Ondarkin salbaiak ibai eta erreken kutsatzea, eizaren eta ahantzaren kontrola. Gai guzi hauek tratatzen dituzten zerbitzu ezberdinen arteko koordinak eta hobetzea du xede protokolo horrek, bai eta zigorra egokitzea. Marion Ostinhot, Oloroeko suprefeta da. Tout ce qui concerne les atteintes à l'environnement qui sont réversibles. Lorsqu'on peut réparer, on est sur des mesures administratives. Lorsqu'on peut plus réparer, lorsqu'on est allé trop loin, lorsque l'atteinte est irréversible, on est sur des mesures judiciaires, donc répressives. Simplifikatzeko, abisua, isuna edo auziaren arteko bideraketa izango da helburua, jadanik gertatu hainbat kasu izan direla erran digu Jérôme Bourrier, Baionako prokuradoreak. Notamment en matière de traitement de déchets, par exemple, avec des amendes extrêmement importantes, hein, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un autre exemple, c'est la Civelle, avec la mise à jour d'un important réseau criminel international. Horrekin batera, Frantses gobernuak miliar bat euroko aurrekondua iragarri du, hemendik 2008 majortera bioanistasunaren alde eta ingurumenerako 150 ikuskari postu gehiago sortuko dira, frantses gobernuaren xede honen keinua prokuraduraren janetan. La lutte contre les atteintes à l'environnement est à la fois une priorité de l'action gouvernementale et c'est également une priorité en termes de politique pénale qui nous a été fixée par le garde des Sceaux. Donc il faut s'articuler en amont pour travailler concrètement sur des dossiers. Jakin aurten ondarkinen uste salbaia egiteagatik 203 prozedura martxan direla departamentu untan.